dans cette pièce, il y a d'abord une histoire qui est simple, c'est celle d'un complot. Des conspirateurs veulent abattre le chef de l'État. Voilà qui est bien d'actualité. Les deux chefs de la conjuration sont deux amis, Sinna et Maxime. C'est une femme, Émilie, qui est la troisième conjurée. Elle est sans doute la plus acharnée parce que son père a été tué jadis par l'empereur Auguste du temps qu'il s'appelait Octave. Le tyran sera-t-il abattu? Il y a d'illustres exemples de tyrans assassinés. Le plus récent en date est celui de César, poignardé par Brutus, brut, comme dit Corneille. Les conjurés vont-ils être arrêtés, jugés, punis, ou bien échapperont-ils impunément? C'est une histoire qui, tout naturellement, est de ton héroïque et qui peut sembler, à première vue, avoir peu de communication avec notre vie quotidienne. Par ailleurs, la pièce est écrite en vers et les personnages sont supposés être des Romains. Mais regardez, il ne va pas vous falloir longtemps. Après quelques images, vous vous apercevrez vite que ces Romains-là ont des figures d'aujourd'hui. Quant aux acteurs, ils ne jouent pas des situations comme d'habitude. Ils ont bien plutôt l'air de penser à haute voix devant nous. À quoi pensent-ils? À leurs problèmes personnels, qui sont les problèmes ou les misères de l'amour, de la haine, de la vengeance. Certes, de temps en temps, vous allez les voir discuter entre eux, mais la plupart du temps, ils sont obsédés, possédés, enfermés en eux-mêmes, solitaires, comme nous le sommes tous dans la vie, mâchant et remâchant toutes sortes de questions, oscillant entre des sentiments et des décisions contraires. Le plus solitaire de tous, c'est aussi le plus vieux, c'est l'empereur Auguste. Il est habité par le souvenir de ses crimes, il en parle. Menacé de mort par les jeunes, il n'attend pas d'en être informé pour déjà trouver le chemin d'une générosité qui va le sortir de son passé. Au sein des passions entremêlées, il va projeter la lumière du pardon. C'est son amour désintéressé. C'est son détachement volontaire qui vont illuminer peu à peu son esprit et son cœur et par là mettre la paix dans l'âme des torturés, désarmer leurs passions, donner confiance et liberté au peuple. Allez-vous trouver cet homme-là trop grand, trop beau, trop généreux pour que vous puissiez y croire? Mais le grand mouvement de clémence, de liberté, de charité humaine n'est-il pas en train, petit à petit, comme à notre insu, de pénétrer notre époque, qui est sans doute plus troublée encore que n'était celle des Romains? Passion, désir d'une illustre vengeance dont la mort de mon père a formé la naissance. Enfants impétueux de mon ressentiment que ma douleur séduite embrasse aveuglément. Vous prenez sur mon âme un trop puissant empire. Durant quelques moments, souffrez que je respire et que je considère en l'état où je suis et ce que je hasarde et ce que je poursuis. Quand je regarde Auguste au milieu de sa gloire, et

puissante en crédit. Je demeure toujours la fille d'un proscrit. Les bienfaits ne font pas toujours ce que tu penses. D'une main odieuse, ils tiennent lieu d'offense. Plus nous en prodiguons à qui nous peut haïr, plus d'armes nous donnons à qui nous veut trahir. Il m'en fait chaque jour sans changer mon courage. Je suis ce que j'étais. Et je puis davantage. Et des mêmes présents qu'il verse dans mes mains, j'achète contre lui les esprits des Romains. Je recevrai de lui la place de Livie comme un moyen plus sûr d'attenter à sa vie. Pour qui venge son péril n'est point de forfait, c'est vendre son sang que se rendre au bienfait. Quel besoin toutefois de passer pour ingrate. Ne pouvez-vous haïr sans que la haine éclate? Assez d'autres sans vous n'ont pas mis en oubli par quelle cruauté son trône est établi. Tant de braves Romains, tant d'illustres victimes qu'à son ambition ont immolé ses crimes, laissent à leurs enfants d'assez vives douleurs pour venger votre perte, en vengeant leur malheur. Beaucoup l'ont entrepris, 1000 autres vont les suivre. Qui vit haï de tous ne saurait longtemps vivre. Remettez en leurs bras les communs intérêts et n'aidez leurs desseins que par des vœux secrets. Voilà. Je le haïrai sans tâcher de lui nuire. J'attendrai du hasard qu'il ose le détruire. Et je satisferai des devoirs si pressants par une haine obscure et des vœux impuissants. Sa perte que je veux me deviendrait amère si quelqu'un l'immolait à d'autres qu'à mon père. Et tu verrais mes pleurs couler pour son trépas qui, le faisant périr, ne me vengerait pas. C'est une lâcheté que de remettre à d'autres les intérêts publics qui s'attachent aux nôtres. Joignons à la douceur de venger nos parents la gloire qu'on remporte à punir les tyrans. Et faisons publier par toute l'Italie la liberté de Rome et l'œuvre d'Émilie. On a touché son âme et son cœur s'est épris. Mais elle n'a donné son amour qu'à ce prix. Votre amour à ce prix n'est qu'un présent funeste qui porte à votre amant sa perte manifeste. Pensez mieux, Émilie, à quoi vous l'exposez. Combien à cet écueil se sont déjà brisés. Ne vous aveuglez point quand sa mort est visible. Ah, tu sais me frapper par où je suis sensible. Quand je songe au danger que je lui fais courir, la crainte de sa mort me fait déjà mourir. Mon esprit en désordre à soi-même s'oppose. Je veux, il ne veut pas, je m'emporte. Et je n'ose. Et mon devoir confus, languissant, étonné, cède aux rébellions de mon cœur mutiné. Tout beau, ma passion. Deviens un peu moins forte. Tu vois bien des hasards. Ils sont grands, mais n'importe. S'il n'en est pas perdu pour être hasardé, de quelque légion qu'Auguste soit gardé, quelque soin qu'il se donne et quelque ordre qu'il tienne, qui méprise sa vie et maître de la sienne, plus le péril est grand, plus doux en est le fruit. La vertu nous y jette et la gloire le suit. Quoi qu'il en soit, qu'Auguste ou que Cinna périsse, au man paternel je dois ce sacrifice. Cinna me l'a promis en recevant ma foi, et ce coup seul aussi le rend digne de moi. Il est tard après tout de m'en vouloir délire. Aujourd'hui l'on s'assemble, aujourd'hui l'on conspire. L'heure, le lieu, le bras se choisit aujourd'hui. Et c'est affaire enfin à mourir après lui. Mais le voici qui vient. Cinna, votre assemblée par l'effroi du péril n'est-elle point troublée? Et reconnaissez-vous au front de vos amis qu'ils soient prêts à tenir ce qu'ils vous ont promis? Jamais, contre un tyran, entreprise conçue, ne permis d'espérer une si belle issue. Jamais de telle ardeur, on en jura la mort. Et jamais conjuré furent mieux d'accord. Tous s'y montrent portés avec tant d'allégresse qu'ils semblent, comme moi, servir une maîtresse. Et tous font éclater un si puissant courroux qu'ils semblent tous venger un père, comme vous. Je l'avais bien prévu que pour un tel ouvrage, Sinna saurait choisir des hommes de courage et ne remettrait point en de mauvaises mains l'intérêt d'Émilie et celui des Romains. Plutôt Dieu que vous-même eussiez vu de quelles ailes cette troupe entreprend une action si belle. Au seul nom de César, d'Auguste et d'Empereur, vous eussiez vu leurs yeux s'enflammer de fureur. Et dans un même instant, par un effet contraire, leur front pâlir d'horreur et rougir de colère. Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux qui doit conclure enfin nos desseins généreux. Le ciel, entre nos mains, a mis le sort de Rome, et son salut dépend de la perte d'un homme, si l'on doit le nom d'homme, à qui n'a rien d'humain, à ce tigre altéré de tout le sang romain. Combien, pour le répandre, a-t-il formé de brigues? Combien de fois changé de parti et de ligue, tantôt ami d'Antoine et tantôt ennemi, et jamais insolent ni cruel admis. Là, par un long récit de toutes les misères que durant notre enfance ont enduré nos pères, renouvelant leur haine avec leurs souvenirs, je redouble en leur cœur l'ardeur de le punir, je leur fais des tableaux de ces tristes batailles où Rome, par ses mains, déchirait ses entrailles, où l'aigle abattait l'aigle, et de chaque côté, nos légions s'armaient contre leur liberté, où les meilleurs soldats et les chefs les plus braves mettaient toute leur gloire à devenir esclaves, où pour mieux assurer la honte de leur fer, tous voulaient à leur chaîne attacher l'univers, et l'exécrable honneur de lui donner un maître, faisant aimer à tous l'infâme nom de traître, romain contre romain, parent contre parent, combattait seulement pour le choix des tyrans. J'ajoute à ces tableaux la peinture effroyable de leur concorde impie, affreuse, inexorable, funeste aux gens de bien, aux riches, au Sénat, et pour tout dire, enfin, de leur triumvirat. Mais je ne trouve point de couleur assez noire pour en représenter les tragiques histoires. Je les peins dans le meurtre, à l'envi triomphant, Rome entière noyée au sang de ses enfants, les uns assassinés dans les places publiques, les autres dans le sein de leur dieu domestique, le méchant par le prix au crime encouragé, le mari par sa femme en son lit égorgé, le fils tout dégoûtant du meurtre de son père et sa tête à la main demandant son salaire, sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix. Vous dirai-je les noms de ces grands personnages dont j'ai dépeint les morts pour aigrir les courages, de ces fameux proscrits, ces demi-dieux mortels qu'on a sacrifiés jusque sur les autels? Mais pourrais-je vous dire à quelle impatience, à quel frémissement, à quelle violence ces indignes trépas, quoique mal figurés, ont porté les esprits de tous nos conjurés? Je n'ai point perdu temps, et voyant leur colère au point de ne rien craindre en l'état de tout faire, j'ajoute en peu de mots. Toutes ces cruautés, la perte de nos biens et de nos libertés, le ravage des champs, le pillage des villes, et les proscriptions, et les guerres civiles, sont les degrés sanglants dont Auguste a fait choix pour monter dans le trône et nous donner des lois. Mais nous pouvons changer un destin si funeste, puisque de trois tyrans c'est le seul qui nous reste, et que juste une fois il s'est privé d'appui, perdant pour régner seul, deux méchants comme lui. Lui mort, nous n'avons point de vengeur ni de maître. Avec la liberté, Rome s'en va renaître, et nous mériterons le nom de vrais Romains si le joug qui l'accable est brisé par nos mains. Prenons l'occasion tandis qu'elle est propice. Demain, au Capitole, il fait un sacrifice, qu'il en soit la victime. Et faisons en ces lieux justice à tout le monde, à la face des dieux. Là, presque, pour sa suite, il n'a que notre troupe. C'est de ma main qu'il prend et l'encens et la coupe, et je veux pour signal que cette même main lui donne, au lieu d'encens, d'un poignard dans le sein. Ainsi, d'un coup mortel, la victime frappée fera voir si je suis du sang du grand Pompée. Faites voir après moi, si vous vous souvenez, des illustres aïeux de qui vous êtes nés. À peine ai-je achevé que chacun renouvelle, par un noble serment, le vœu d'être fidèle. L'occasion leur plaît, mais chacun veut pour soi l'honneur du premier coup que j'ai choisi pour moi. La raison règle enfin l'ardeur qui les emporte. Maxime et la moitié s'assurent de la porte, l'autre moitié me suit et doit l'environner prête au moindre signal que je voudrais donner. Voilà, belle Émilie, à quel point nous en sommes. Demain, J'attends la haine ou la faveur des hommes. Le nom de parricide ou de libérateur. César, celui de prince ou d'un usurpateur. Du succès qu'on obtient contre la tyrannie dépend ou notre gloire ou notre ignominie. Et le peuple, inégal à l'endroit des tyrans, s'il les déteste morts, les adore vivants. Pour moi, soit que le ciel me soit dur ou propice, qu'il m'élève à la gloire ou me livre au supplice, que Rome se déclare ou pour ou contre nous, mourant pour vous servir, tout me semblera doux. Ne crains point de succès qui souille ta mémoire. Le bon et le mauvais sont égaux pour ta gloire. Et dans un tel dessein, le manque de bonheur met en péril ta vie, et non pas ton honneur. Regarde le malheur de Brut et de Cassie. La splendeur de leur nom en est-elle obscurcie? Sont-ils morts tout entiers avec leur grand dessein? Ne les compte-t-on plus pour les derniers Romains? Leur mémoire dans Rome est encore précieuse, autant que de César la vie est odieuse. Si leur vainqueur y règne, ils y sont regrettés, et par les vœux de tous leur paraît souhaité. Va marcher sur leurs pas où l'honneur te convie. Mais ne perds pas le soin de conserver ta vie. Souviens-toi du beau feu dont nous sommes épris, qu'aussi bien que la gloire, Émilie est ton prix, que tu me dois ton cœur, que mes faveurs t'attendent, que tes jours me sont chers, que les miens en dépendent. Mais quelle occasion mène et vendre vers nous? Seigneur, César vous mande et Maxime avec vous. Et Maxime avec moi? Le sais-tu bien, Évandre ? Polyclète est encore chez vous à vous attendre et fut venu lui-même avec moi vous chercher si ma dextérité n'eût su l'en empêcher. Je vous en donne avis de peur d'une surprise. Il presse fort. Mandez les chefs de l'entreprise. Tous deux en même temps. Vous êtes découverts. Espérons mieux, de grâce. Ah, Signa, je te perds. Et les dieux obstinés à nous trouver un maître parmi tes vrais amis ont mêlé quelques traîtres. Il n'en faut point douter, Auguste a tout appris. À tous deux, et sitôt que le conseil est pris. Je ne vous puis seuler que son ordre m'étonne. Mais souvent, il m'appelle auprès de sa personne. Maxime est comme moi de ses plus confidents. Et nous nous alarmons peut-être en imprudents. Sois moins ingénieux à te tromper toi-même, Sinna ne porte point mes mots jusqu'à l'extrême. Et puisque désormais tu ne peux me venger, dérobe au moins ta tête à ce mortel danger. Fuis d'Auguste irrité l'implacable colère. Je verse assez de pleurs pour la mort de mon père. N'aigris point ma douleur par de nouveaux tourments et ne me force point à pleurer mon amant. Quoi? Sur l'illusion d'une terreur panique, trahir vos intérêts et la cause publique? Par cette lâcheté, moi-même m'accuser et tout abandonner quand il faut tout oser? Que feront nos amis si vous êtes déçus? Et que deviendras-tu si l'entreprise est sue? S'il est pour me trahir des esprits assez bas, ma vertu pour le moins ne me trahira pas. Vous la verrez brillante au bord des précipices, se couronner de gloire en bravant les supplices, rendre Auguste jaloux du sang qu'il répandra et le faire trembler alors qu'il me perdra. Je deviendrai suspect à tarder davantage. Adieu. Raffermissez ce généreux courage. S'il faut subir le coup d'un destin rigoureux, je mourrai tout ensemble, heureux et malheureux. Heureux pour vous servir de perdre ainsi la vie, malheureux de mourir sans vous avoir servi. Oui, va. N'écoute plus ma voix qui te retient. Mon trouble se dissipe et ma raison revient. Pardonne à mon amour cette indigne faiblesse. Tu voudrais fuir en vain, Sinna, je le confesse. Si tout est découvert, Auguste a su pourvoir à ne te laisser pas ta fuite en ton pouvoir. porte chez lui cette mâle assurance, digne de notre amour, digne de ta naissance. Meurs s'il y faut mourir en citoyen romain, et par un beau trépas couronne un beau dessein. Ne crains pas qu'après toi rien ici me retienne. Ta mort emportera mon âme vers la tienne, et mon cœur aussitôt percé des mêmes coups. Oh, souffrez que tout meure, je vive encore en vous, et du moins, en mourant, permettez que j'espère que vous saurez venger l'amant avec le père. Rien n'est pour vous à craindre. Aucun de nos amis ne sait ni vos desseins ni ce qui m'est promis. Et leur parlant tantôt des misères romaines, je leur ai tué la mort qui fait naître nos haines, de peur que mon ardeur touchant vos intérêts d'un si parfait amour ne trahit le secret. Il n'est su que dévendre de votre Fulvie. Avec moins de frayeur, je vais donc chez Livy, puisque dans ton péril, il me reste un moyen de faire agir pour toi son crédit et le mien. Mais si mon amitié par là ne te délivre, n'espère pas qu'enfin je veuille te survivre. Je fais de ton destin des règles à mon sort, et j'obtiendrai ta vie, ou je suivrai ta mort. Soyez en ma faveur moins cruel à vous-même. Va-t'en. Et souviens-toi seulement que je t'aime. Que chacun se retire et qu'aucun n'entre ici. Vous, Sinna, demeurez, et vous, Maxime, aussi. Cet empire absolu sur la terre et sur l'onde, ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde, cette grandeur sans bornes et cet illustre rang qui m'a jadis coûté tant de peine et de sang. Enfin, tout ce qu'adore en ma haute fortune d'un courtisan flatteur la présence importune n'est que de ses beautés dont l'éclat éblouit et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit. L'ambition déplaît quand elle est assouvie. D'une contraire ardeur, son ardeur est suivie. Et comme notre esprit, jusqu'au dernier soupir, toujours vers quelque objet, pousse quelque désir, il se ramène en soi, n'ayant plus où se prendre. Et monté sur le fait, il aspire à descendre. J'ai souhaité l'Empire, et j'y suis parvenu. Mais en le souhaitant, je ne l'ai pas connu. Dans sa possession, j'ai trouvé pour tout charme d'effroyables soucis, d'éternelles alarmes, mille ennemis secrets, la mort à tout propos, point de plaisir sans trouble. Et jamais de repos. Si l'âme a précédé dans ce pouvoir suprême, le grand César, mon père, en a joui de même, d'un œil si différent tout de l'en regarder que l'un s'en est démis et l'autre l'a gardé. Mais l'un, cruel, barbare, est mort aimé, tranquille, comme un bon citoyen dans le sein de sa ville. L'autre, tout débonnaire, au milieu du Sénat, a vu trancher ses jours par un assassinat. Ces exemples récents suffiraient pour m'instruire, si par l'exemple seul on se devait conduire. L'un m'invite à le suivre. et l'autre me fait peur. Mais l'exemple souvent n'est qu'un miroir trompeur. Et l'ordre du destin qui gêne nos pensées n'est pas toujours écrit dans les choses passées. Quelquefois, l'un se brise ou l'autre s'est sauvé. Et par où l'un périt, un autre est conservé. Voilà, mes chers amis, ce qui me met en peine. Vous, qui me tenez lieu d'Agrippe et de Mécène, pour résoudre ce point avec eux débattu, prenez sur mon esprit le pouvoir qu'ils ont eu. Ne considérez pas cette grandeur suprême, odieuse aux Romains et pesante à moi-même. Traitez-moi comme ami, non comme souverain. Rome, Auguste, l'État, tout est en votre main. Vous mettrez et l'Europe, et l'Asie et l'Afrique, sous les lois d'un monarque ou d'une république. Votre avis est ma règle. Et par ce seul moyen, je veux être empereur ou simple citoyen. Malgré notre surprise et mon insuffisance, je vous obéirai, Seigneur, sans complaisance, et mais bas le respect qui pourrait m'empêcher de combattre un avis où vous semblez pencher. Souffrez-le d'un esprit jaloux de votre gloire, que vous allez souiller d'une tache trop noire si vous ouvrez votre âme à ses impressions, jusque à condamner toutes vos actions. On ne renonce point aux grandeurs légitimes. On garde sans remords ce qu'on acquiert sans crime. Et plus le bien qu'on quitte est noble, grand, exquis, plus qu'il ose quitter le juge mal acquis. N'imprimez pas, Seigneur, cette honteuse marque à ces rares vertus qui vous ont fait monarque. Vous l'êtes justement, mais c'est sans attentat que vous avez changé la forme de l'État. Rome est dessous vos lois, par le droit de la guerre qui, sous les lois de Rome, a mis toute la terre. Vos armes l'ont conquise. Et tous les conquérants, pour être usurpateurs, ne sont pas des tyrans. Quand ils ont sous leur loi servi des provinces, gouvernant justement, ils s'en font juste prince. C'est ce que fit César. Il vous faut aujourd'hui condamner sa mémoire ou faire comme lui. Si le pouvoir suprême est blâmé par Auguste, César fut un tyran et son trépas fut juste. Et vous devez au Dieu compte de tout le sang dont vous l'avez vengé pour monter à son rang. N'en craignez point, Seigneur, les tristes destinées. Un plus puissant démon veille sur vos années. On a 10 fois sur vous à tenter sans effet, et qu'il a voulu perdre au même instant l'a fait. On entreprend assez, mais aucun n'exécute. Il est des assassins, mais il n'est plus de brutes. Enfin, s'il faut attendre un semblable revers, il est beau de mourir maître de l'univers. C'est ce qu'en peu de mots j'ose dire, et j'estime que ce peu que j'ai dit est l'avis de Maxime. Oui, j'accorde qu'Auguste a droit de conserver l'Empire, où sa vertu l'a fait seule arriver, et qu'au prix de son sang, au péril de sa tête, il a fait de l'État une juste conquête. Mais que sans se noircir, il ne puisse quitter le fardeau que sa main est lasse de porter, qu'il accuse par là César de tyrannie, qu'il approuve sa mort, c'est ce que je dénie. Rome est à vous, Seigneur. L'Empire est votre bien. Chacun en liberté peut disposer du sien. Il le peut à son choix garder ou s'en défaire. Vous seul ne pourriez pas ce que peut le vulgaire. Et seriez devenu, pour avoir tout dompté, esclave des grandeurs où vous êtes monté. possédez-les, Seigneur. Sans qu'elles vous possèdent, loin de vous captiver, souffrez qu'elles vous cèdent. Et faites hautement connaître enfin à tous que tout ce qu'elles ont est au-dessous de vous. Votre Rome, autrefois, vous donna la naissance. Vous lui voulez donner votre toute-puissance. Et Cinna vous impute à crime capital la libéralité vers le pays natal. Il appelle remords l'amour de la patrie. Par la haute vertu, la gloire est donc flétrie. Et ce n'est qu'un objet digne de nos mépris si de ses pleins effets l'infamie est le prix. Je veux bien avouer qu'une action si belle donne à Rome bien plus que vous ne tenez d'elle. Mais commet-on un crime indigne de pardon quand la reconnaissance est au-dessus du don? Suivez, suivez, Seigneur, le ciel qui vous inspire. Votre gloire redouble à mépriser l'Empire. Et vous serez fameux chez la postérité moins pour l'avoir conquis que pour l'avoir quitté. Le bonheur peut conduire à la grandeur suprême, mais pour y renoncer, il faut la vertu même. Et peu de généreux vont jusqu'à dédaigner, après un sceptre acquis, la douceur de régner. Considérez d'ailleurs que vous régnez dans Rome, ou de quelque façon que votre cour vous nomme, on hait la monarchie. Et le nom d'empereur, cachant celui de roi, ne fait pas moins d'horreur. Il passe pour tyran quiconque s'y fait mettre, qui le sert pour esclave et qui l'aime pour traître, qui le souffre à le cœur lâche, molle, abattu, et pour s'en affranchir, tout s'appelle vertu. Vous en avez, Seigneur, des preuves trop certaines. On a fait contre vous 10 entreprises vaines. Peut-être que l'11e est prête d'éclater. Et que ce mouvement qui vous vient agiter n'est qu'un avis secret que le ciel vous envoie, qui, pour vous conserver, n'a plus que cette voie. Ne vous exposez plus à ces fameux revers. Il est beau de mourir maître de l'univers. Mais la plus belle mort souille notre mémoire quand nous avons pu vivre et croître notre gloire. Si l'amour du pays doit ici prévaloir, c'est son bien seulement que vous devez vouloir. Et cette liberté qui lui semble si chère n'est pour Rome, Seigneur, qu'un bien imaginaire, plus nuisible qu'utile, et qui n'approche pas de celui qu'un bon prince apporte à ses états. Avec ordre et raison, les honneurs il dispense, avec discernement puni et récompense, et dispose de tout en juste possesseur sans rien précipiter, de peur d'un successeur. Mais quand le peuple est maître, on agit qu'en tumulte. La voix de la raison jamais ne se consulte, les honneurs sont vendus aux plus ambitieux, l'autorité livrée aux plus séditieux. Ces petits souverains qu'il fait pour une année, voyant d'un temps si court leur puissance bornée, des plus heureux desseins font avorter le fruit de peur de le laisser à celui qui les suit. Comme ils ont peu de part au bien dont ils ordonnent, dans le champ du public largement ils moissonnent, assurés que chacun leur pardonne aisément, espérant à son tour un pareil traitement. Le pire des États, c'est l'État populaire. Et toutefois le seul qui dans Rome peut plaire. Cette haine des rois, que depuis 500 ans, avec le premier Lessus, tous ses enfants pour l'arracher des cœurs, est trop enracinée. Oui, Seigneur, dans son mal, Rome est trop obstinée. Son peuple qui s'y plaît enfuit la guérison, sa coutume l'emporte, et non pas la raison. Et cette vieille erreur que Cinna veut abattre est une heureuse erreur dont il est idolâtre, par qui le monde entier a servi sous ses lois, l'a vu 100 fois marcher sur la tête des rois, son épargne s'enfler du sac de ses provinces. Que lui pouvaient de plus donner les meilleurs princes? J'ose dire, Seigneur, que sous tous les climats ne sont pas bien reçus toutes sortes d'États. Chaque peuple a le sien, conforme à sa nature, qu'on ne saurait changer sans lui faire une injure. Telle est la loi du ciel, dont la sage équité sème dans l'univers cette diversité. Les Macédoniens aiment le monarchique, et le reste des Grecs la liberté publique. Les Parthes, les Persans veulent des souverains, et le seul consulat est bon pour les Romains. Il est vrai que du ciel, la prudence infinie départ à chaque peuple un différent génie. Mais il n'est pas moins vrai que cet ordre des cieux change selon les temps comme selon les lieux. Rome a reçu des rois ses murs et sa naissance, Elle tient des consuls sa gloire et sa puissance, et reçoit maintenant de vos rares bontés le comble souverain de ses prospérités. Sous vous, l'État n'est plus en pillage aux armées, les portes de Janus par vos mains sont fermées, ce que sous ses consuls on n'a vu qu'une fois, et qu'a fait voir comme eux le second de ses rois. Les changements d'État que fait l'ordre céleste ne coûtent point de sang, n'ont rien qui soit funeste. C'est un ordre des dieux qui jamais ne sauront de nous vendre un peu cher les grands biens qu'ils nous font. L'exil des Tarquins même ensanglanta nos terres, et nos premiers consuls nous ont coûté des guerres. Donc votre aïeul Pompée au ciel a résisté quand il a combattu pour notre liberté. Si le ciel ne voulut que Rome l'eût perdu, par les mains de Pompée, il l'aurait défendu. Il a choisi sa mort pour servir dignement d'une marque éternelle à ce grand changement, et devait cette gloire aux mains d'un tel homme d'emporter avec eux la liberté de Rome. Ce nom, depuis longtemps, ne sert qu'à l'éblouir, et sa propre grandeur l'empêche d'en jouir. Depuis qu'elle se voit la maîtresse du monde, depuis que la richesse entre ses murs abonde, et que son sein fécond en glorieux exploits produit des citoyens plus puissants que des rois, les grands, pour s'affermir, achetant les suffrages, tiennent pompeusement leurs maîtres à leurs gages, qui, par des fers dorés se laissant enchaîner, reçoivent d'eux des lois qu'ils pensent leur donner. Envieux l'un de l'autre, ils mènent tout par brigue que leur ambition tourne en sanglante ligue. Ainsi, de Marius, Sylla devint jaloux, César de mon aïeul, Marc-Antoine de vous. Ainsi, la liberté ne peut plus être utile qu'à former les fureurs d'une guerre civile, lorsque par un désordre à l'univers fatal, l'un ne veut point de maître et l'autre point d'égal. Seigneur, pour sauver Rome, il faut qu'elle s'unisse en la main d'un bon chef à qui tout obéisse. Si vous aimez encore à la favoriser, ôtez-lui les moyens de se plus diviser. Sylla, quittant la place enfin bien usurpée, n'a fait couvrir le champ à César et Pompée, que le malheur des temps ne nous eût pas fait voir s'il eût dans sa famille assuré son pouvoir. Qu'a fait du grand César le cruel parricide qu'élevé contre vous Antoine avec l'épide, qui n'eusse pas détruit Rome par les Romains si César eût laissé l'Empire entre vos mains? Vous la replongerez en quittant cet Empire dans les maux dont à peine encore elle respire. Et de ce peu, Seigneur, qui lui reste de sang, une guerre nouvelle épuisera son flanc. Que l'amour du pays, que la pitié vous touche. Votre Rome à genoux vous parle par ma bouche. Considérez le prix que vous avez coûté. Non pas qu'elle vous croit avoir trop acheté, des maux qu'elle a souffert, elle est trop bien payée. Mais une juste peur tient son âme effrayée. Si, jaloux de son heure et las de commander, vous lui rendez un bien qu'elle ne peut garder, s'il lui faut à ce prix en acheter un autre, si vous ne préférez son intérêt au vôtre, si ce funeste don la met au désespoir, je n'ose dire ici ce que j'ose prévoir. Conservez-vous, Seigneur, en lui laissant un maître sous qui son vrai bonheur commence de renaître. Et pour mieux assurer le bien commun de tous, donnez un successeur qui soit digne de vous. N'en délibérons plus. Cette pitié l'emporte. Mon repos m'est bien cher, mais Rome est la plus forte. Et quelque grand malheur qui m'en puisse arriver, je consens à me perdre, afin de la sauver. Pour ma tranquillité, mon cœur en vain soupire. Sylla, par vos conseils, je retiendrai l'Empire, mais je le retiendrai pour vous en faire part. Je vois trop que vos cœurs n'ont point pour moi de phare, et que chacun de vous, dans la vie qu'il me donne, regarde seulement l'État et ma personne. Votre amour en tous deux fait ce combat d'esprit. Et vous allez tous deux en recevoir le prix. Maxime, je vous fais gouverneur de Sicile. Allez donner mes lois à ce terroir fertile. Songez que c'est pour moi que vous gouvernerez et que je répondrai de ce que vous ferez. Pour épouse, Sylla, je vous donne Émilie. Vous savez qu'elle tient la place de Julie, et que sinon malheur et la nécessité m'ont fait traiter son père avec sévérité, Mon épargne, depuis en sa faveur ouverte, doit avoir adouci l'aigreur de cette perte. Voyez-la, de ma part. Tâchez à la gagner. Vous n'êtes point pour elle un homme à dédaigner. De l'offre de vos vœux, elle sera ravie. Adieu. J'en veux porter la nouvelle à Lydie. Quel est votre dessein après ces beaux discours ? Le même que j'avais et que j'aurai toujours. Un chef de conjuré flatte la tyrannie. Un chef de conjuré la veut voir impunie ? Je veux voir Rome libre. Et vous pouvez juger que je veux l'affranchir ensemble et la venger. Octave aura donc vu ses fureurs assouvies, pillées jusqu'aux autels, sacrifiées nos vies, remplies les champs d'horreur, comblées Rome de mort. Il sera quitte après pour l'effet d'un remords. Quand le ciel par nos mains à le punir s'apprête, un lâche repentir garantira sa tête, c'est trop semé d'appât. Et c'est trop invité par son impunité, quelque autre à l'imiter. Vengeons nos citoyens, et que sa peine étonne quiconque après sa mort aspire à la couronne. Que le peuple au tyran ne soit plus exposé. S'il eût puni Sylla, César eût moins osé. Mais la mort de César, que vous trouvez si juste, a servi de prétexte aux cruautés d'Auguste. Voulant nous affranchir, Brute s'est abusé. S'il n'eût puni César, Auguste eût moins osé. La faute de Cassie et ses terreurs paniques ont fait rentrer l'État sous des lois tyranniques. Mais nous ne verrons point de pareils accidents lorsque Rome suivra des chefs moins imprudents. Nous sommes encore loin de mettre en évidence si nous nous conduirons avec plus de prudence. Cependant, c'en est peu que de n'accepter pas le bonheur qu'on recherche au péril du trépas. C'en est encore bien moins, alors qu'on s'imagine guérir un mal si grand sans couper la racine. Employer la douceur à cette guérison, c'est en fermant la plaie, y verser du poison. Vous la voulez sanglante et la rendez douteuse. Vous la voulez sans peine et la rendez honteuse. Pour sortir de ces fers, jamais on ne rougit. On en sort lâchement, si la vertu n'agit. Jamais la liberté ne cesse d'être aimable. Et c'est toujours pour Rome un bien inestimable. Ce ne peut être un bien qu'elle daigne estimer lorsqu'il vient d'une main lasse de l'opprimer. Elle a le cœur trop bon pour se voir avec joie le rebut du tyran dont elle fut la proie. Et tout ce que la gloire a de vrais partisans, le hait trop puissamment pour aimer ses présents. Donc pour vous, Émilie est un objet de haine. La recevoir de lui me serait une gêne. Mais quand j'aurai vengé Rome des maux soufferts, je saurai le braver jusque dans les enfers. Oui, quand par son trépas je l'aurai mérité, je veux joindre à sa main ma main ensanglantée, l'épouser sur sa cendre, et qu'après notre effort, les présents du tyran soient le prix de sa mort. Mais l'apparence, ami, que vous puissiez lui plaire, teint du sang de celui qu'elle aime comme un père, car vous n'êtes pas homme à la violenter. Ami, dans ce palais, on peut nous écouter. Et nous parlons peut-être avec trop d'imprudence dans un lieu si mal propre à notre confidence. Sortons. Qu'en sûreté, j'examine avec vous pour en venir à bout les moyens les plus doux. Lui-même, il m'a tout dit, leur flamme est mutuelle. Il adore Émilie, il est adoré d'elle. Mais sans venger son père, il n'y peut aspirer. C'est pour l'acquérir qu'il nous fait conspirer. Je ne m'étonne plus de cette violence dont il contraint Auguste à garder sa puissance. La ligue se romprait s'il s'en était démis et tous vos conjurés deviendraient ses amis. Ils servent à l'envie la passion d'un homme qui n'agit que pour soi, feignant d'agir pour Rome. Et moi, par un malheur qui n'eut jamais d'égal, je pense servir Rome. Et je sers mon rival. Vous êtes son rival ? Oui. J'aime sa maîtresse. Et l'ai cachée toujours avec assez d'adresse. Mon ardeur inconnue, avant que d'éclater par quelque grand exploit, la voulait mériter. Cependant, par mes mains, je vois qu'il me l'enlève. Son dessein fait ma perte et c'est moi qui l'achève. J'avance des succès dont j'attends le trépas et pour m'assassiner, je lui prête mon bras. Que l'amitié me plonge en un malheur extrême. L'issue en est aisée. Agissez pour vous-même. D'un dessein qui vous perd, rompez le coup fatal, gagnez une maîtresse, accusant un rival. Auguste, à qui par là vous sauverez la vie, ne vous pourra jamais refuser Émilie. Quoi ? Trahir mon ami ? L'amour rend tout permis. Un véritable amant ne connaît pas d'amis. Et même, avec justice, on peut trahir un traître qui, pour une maîtresse, ose trahir son maître. Oubliez l'amitié. Comme lui, les bienfaits. C'est un exemple à fuir que celui des forfaits. Contre un si noir dessein, tout devient légitime. On n'est point criminel quand on punit un crime. Un crime par qui Rome obtient sa liberté. Craignez tout d'un esprit si plein de lâcheté. L'intérêt du pays n'est point ce qu'il engage, le sien. Et non, la gloire anime son courage. Il aimerait César s'il n'était amoureux, et n'est enfin qu'ingrat et non pas généreux. Pensez-vous avoir lu jusqu'au fond de son âme ? Sous la cause publique, il vous cachait sa flamme, et peut cacher encore sous cette passion les détestables feux de son ambition. Peut-être qu'il prétend, après la mort d'Octave, au lieu d'affranchir Rome, en faire son esclave, qu'il vous compte déjà pour un de ses sujets, ou que sur votre perte il fonde ses projets. Mais comment l'accuser sans nommer tout le reste ? À tous nos conjurés, la vie serait funeste. Et par là, nous verrions indignement trahis ceux qu'engage avec nous le seul bien du pays. D'un si lâche dessein, mon âme est incapable. Il perd trop d'innocents pour punir un coupable. J'ose tout contre lui, mais je crains tout pour eux. Auguste s'est lassé d'être si rigoureux. De telles occasions, ennuyé de supplices ayant puni les chefs, il pardonne aux complices. Si toutefois pour eux vous craignez son courroux, quand vous lui parlerez, parlez au nom de tous. Nous disputons en vain. Et ce n'est que folie de vouloir, par sa perte, acquérir Émilie. Ce n'est pas le moyen de plaire à ses beaux yeux que de priver du jour ce qu'elle aime le mieux. Pour moi, j'estime peu qu'Auguste me la donne. Je veux gagner son cœur et non pas sa personne. Et ne fais point d'état de sa possession si je n'ai point de part en son affection. Puis je la méritais par une triple offense. Je trahis son amant, je détruis sa vengeance, je conserve le sang qu'elle veut voir périr. J'aurais quelque espoir qu'elle me pût chérir. C'est ce qu'à dire vrai je vois fort difficile. L'artifice pourtant vous y peut être utile. Il en faut trouver un qui la puisse abuser. Et du reste, le temps en pourra disposer. Mais si pour s'excuser il nomme sa complice, s'il arrive qu'Auguste avec lui la punisse, puis-je lui demander pour prix de mon rapport celle qui nous oblige à conspirer sa mort ? Vous pourriez m'opposer tant et de tels obstacles que pour les surmonter il faudrait des miracles. J'espère toutefois qu'à force d'y rêver... Éloigne-toi. Dans peu j'irai te retrouver. S'il n'a rien, et je veux en tirer quelque chose pour mieux résoudre après ce que je me propose. Vous me semblez pensif. Ce n'est pas sans sujet. Puis-je d'un tel chagrin savoir quel est l'objet ? Émilie et César. L'un et l'autre me gênent. L'un me semble trop bon, l'autre trop inhumaine. Plutôt Dieu que César employait mieux ses soins et s'en fit plus aimer, ou m'aimât un peu moins, que sa bonté touchât la beauté qui me charme et la pût adoucir comme elle me désarme. Je sens au fond du cœur mille remords cuisants qui rendent à mes yeux tous ces bienfaits présents. Cette faveur si pleine et si mal reconnue par un mortel reproche à tout moment me tue. Il me semble surtout incessamment le voir déposer en main son absolu pouvoir, écouter nos avis, m'applaudir et me dire si n'a par vos conseils je retiendrai l'Empire, mais je le retiendrai pour vous en faire part. Je puis dans son sein enfoncer un poignard peau. Mais hélas, j'idolâtre Émilie. Un serment exécrable à sa haine me lie. L'horreur qu'elle a de lui me le rend odieux. Des deux côtés, j'offense, et ma gloire et les dieux. Je deviens sacrilège où je suis parricide. Et vers l'un ou vers l'autre, il faut être perfide. Vous n'aviez point tantôt ces agitations. Vous paraissiez plus ferme en vos intentions. Vous ne sentiez au cœur ni remords, ni reproches. On ne les sent aussi que quand le coup approche. Et l'on ne reconnaît de semblables forfaits que quand la main s'apprête à venir aux effets. L'âme de son dessein jusque-là possédé s'attache aveuglément à sa première idée. Mais alors, quel esprit n'en devient point troublé? Plutôt, quel esprit n'en est point accablé? Je crois que Brute, même à tel point qu'on le prise, voulut plus d'une fois rompre son entreprise. Qu'avant que de frapper, elle lui fit sentir plus d'un remords en l'âme et plus d'un repentir. Il eut trop de vertu pour tant d'inquiétude et ne soupçonna point sa main d'ingratitude. Il fut contre un tyran d'autant plus animé qu'il en reçut de bien et qu'il s'en vit aimé. Comme vous l'imitez, faites la même chose et formez vos remords d'une plus juste cause, de vos lâches conseils qui seuls ont arrêté le bonheur renaissant de notre liberté. C'est vous seul aujourd'hui qui nous l'avez ôté. De la main de César, Brute l'eût accepté et n'eût jamais souffert qu'un intérêt léger de vengeance ou d'amour l'eût remis en danger. N'écoutez plus la voix d'un tyran qui vous aime et vous veut faire part de son pouvoir suprême, mais entendez crier Rome à votre côté. Rends-moi, Cinna, ce que tu m'as ôté. Et si tu m'as tantôt préféré ta maîtresse, ne me préfère pas le tyran qui m'oppresse. Ami, n'accable plus un esprit malheureux qui ne forme qu'en lâche un dessein généreux. Envers nos citoyens, je sais quelle est ma faute et leur rendrai bientôt tout ce que je leur ôte. Mais pardonne aux abois d'une vieille amitié qui ne peut expirer sans me faire pitié. Et laisse-moi, de grâce, attendante Émilie, donner un libre cours à ma mélancolie. Mon chagrin t'importune, et le trouble où je suis veut de la solitude à calmer tant d'ennuis. Vous voulez rendre compte à l'objet qui vous blesse de la bonté d'Octave et de votre faiblesse. L'entretien des amants veut un entier secret. Adieu. Je me retire en confident discret. Donne un plus digne nom au glorieux empire du noble sentiment que la vertu m'inspire et que l'honneur oppose au coup précipité de mon ingratitude et de ma lâcheté. Mais plutôt continue à le nommer faiblesse, puisqu'il devient si faible auprès d'une maîtresse qu'il respecte un amour qu'il devrait étouffer, ou que s'il le combat, il n'ose en triompher. Ces extrémités, quel conseil dois-je prendre? De quel côté pencher? À quelle partie me rendre? Qu'une âme généreuse a de peine à faillir. Quelques fruits que par là j'espère de cueillir. Les douceurs de l'amour, celles de la vengeance, la gloire d'affranchir le lieu de ma naissance, n'ont point assez d'appât pour flatter ma raison s'il les faut acquérir par une trahison. S'il faut percer le flanc d'un prince magnanime qui, du peu que je suis, fait une telle estime, qui me comble d'honneur, qui m'accable de bien, qui ne prend pour régner de conseils que les miens. Oh, coup! Oh, trahison trop indigne d'un homme! Dur, dur à jamais l'esclavage de Rome. Périsse mon amour, périsse mon espoir, plutôt que de ma main parte un crime si noir. Quoi ? Ne m'offre-t-il pas tout ce que je souhaite, et qu'au prix de son sang ma passion achète ? Pour jouir de ses dons, faut-il l'assassiner ? Et faut-il lui ravir ce qu'il me veut donner ? Je dépends de vous, ô serment téméraire, ô haine d'Émilie, ô souvenir d'un père. Ma foi, mon cœur, mon bras, tout vous est engagé. Je ne puis plus rien que par votre congé. C'est à vous à régler ce qu'il faut que je fasse. C'est à vous, Émilie, à lui donner sa grâce. Vos seules volontés président à son sort et tiennent en mes mains et sa vie. Et sa mort. Ah, oh, Dieu, qui comme vous la rendez adorable, rendez-la comme vous à mes voeux exorables. Et puisque de ces lois je ne puis m'affranchir, faites qu'à mes désirs je la puisse fléchir. Mais voici de retour cette aimable inhumaine. Grâces aux dieux, si n'a ma frayeur était vaine. Aucun de tes amis ne t'a manqué de foi et je n'ai point eu lieu de m'employer pour toi. Octave, en ma présence, a tout dit à Livie et par cette nouvelle, il m'a rendu la vie. Le désavouerez-vous ? Et du don qu'il me fait, voudrez-vous retarder le bienheureux effet ? L'effet est en ta main. Mais plutôt en la vôtre. Je suis toujours moi-même et mon cœur n'est point autre. Me donner Racina, c'est ne lui donner rien. C'est seulement lui faire un présent de son bien. Vous pouvez toutefois, oh, si elle l'osais-je dire. Que puis-je ? Et que crains-tu ? Je tremble, je soupire et vois que si nos cœurs avaient même désir, je n'aurais pas besoin d'expliquer mes soupirs. Ainsi, je suis trop sûr que je vais vous déplaire. Mais je n'ose parler et je ne puis me taire. Pour me gêner, parle ! Il faut vous obéir. Je vais donc vous déplaire et vous m'allez haïr. Je vous aime, Émilie. Et le ciel me foudroie si cette passion ne fait toute ma joie. Et si je ne vous aime avec toute l'ardeur que peut un digne objet attendre d'un grand cœur. Mais voyez à quel prix vous me donnez votre âme. En me rendant heureux, vous me rendez infâme. Cette bonté d'Auguste... Il suffit. Je t'entends. Je vois ton repentir et tes vœux inconstants. Les faveurs du tyran emportent tes promesses. Tes feux et tes serments cèdent à ses caresses. Et ton esprit crédule ose s'imaginer qu'Auguste, pouvant tout, peut aussi me donner. Tu me veux de sa main plutôt que de la mienne. Mais ne crois pas qu'ainsi jamais je t'appartienne. Il peut faire trembler la terre sous ses pas, mettre un roi hors du trône et dédonner ses états, de ses proscriptions rougir la terre et l'onde et changer à son gré l'ordre de tout le monde. Mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir. Aussi n'est-ce qu'à vous que je veux le devoir. Je suis toujours moi-même et ma foi toujours pure. La pitié que je sens ne me rend point parjure. J'obéis sans réserve à tous vos sentiments et prends vos intérêts par-delà mes serments. J'ai pu, vous le savez, sans parjure et sans crime, vous laisser échapper cette illustre victime. César, se dépouillant du pouvoir souverain, nous ôtait tout prétexte à lui percer le sein. La conjuration s'en allait dissiper, vos desseins avortés, votre haine trompée, Moi seul, j'ai raffermi son esprit tétonné. Et pour vous l'immoler, ma main l'a couronné. Pour me l'immoler, traître. Et tu veux que moi-même je retienne ta main. Qu'il vive et que je l'aime. Que je sois le butin de qui l'ose épargner et le prix du conseil qui le force à régner. Ne me condamnez point quand je vous ai servi. Sans moi, vous n'auriez plus de pouvoir sur sa vie. Et malgré ses bienfaits, je rends tout à l'amour quand je veux qu'il périsse ou vous doive le jour. Avec les premiers vœux de mon obéissance, souffrez ce faible effort de ma reconnaissance, que je tâche de vaincre un indigne courroux, et vous donner pour lui l'amour qu'il a pour vous. Une âme généreuse, et que la vertu guide, fuit la honte des noms d'ingrates et de perfides. Elle en est l'infamie attachée au bonheur, et n'accepte aucun bien ou dépend de l'honneur. Gloire pour moi de cette ignominie. La perfidie est noble envers la tyrannie. Et quand on rompt le cours d'un sort si malheureux, les cœurs les plus ingrats sont les plus généreux. Vous faites des vertus au gré de votre haine. Me fait des vertus dignes d'une romaine. Un cœur vraiment romain. Il ose tout pour ravir une odieuse vie à qui le fait servir. Il fuit plus que la mort, la honte d'être esclave. C'est l'être avec honneur que de l'être d'octave. Et nous voyons souvent des rois à nos genoux demander pour appui tels esclaves que nous. Il abaisse à nos pieds l'orgueil des diadèmes. Il nous fait souverains sur leur grandeur suprême. Il prend d'eux les tributs dont il nous enrichit et leur impose un loi dont il nous affranchit. L'indigne ambition que ton cœur se propose. Pour être plus qu'un roi, tu te crois quelque chose. Au debout de la terre, en est-il un si vain qu'il prétend égaler un citoyen romain ? Antoine, sur sa tête, attira notre haine en se déshonorant par l'amour d'une reine. Attal, ce grand roi, dont la pourpre blanchie, qui du peuple romain se nommait l'affranchie, quand de toute l'Asie il se fut vu l'arbitre, eut encore moins prisé son trône que ce titre. Souviens-toi de ton nom. Soutiens sa dignité. Et montrant d'un Romain la générosité, sache qu'il n'en est point que le ciel n'ait fait naître pour commander au roi et pour vivre sans maître. Le ciel a trop fait voir en de tels attentats qu'il hait les assassins et punit les ingrats. Et quoi qu'on entreprenne et quoi qu'on exécute, quand il élève un trône, il en venge la chute. Il se met du parti de ceux qu'il fait régner. Le coup dont on les tue est longtemps assaigné. Et quant à les punir, il a pu se résoudre. De pareils châtiments n'appartiennent qu'aux foudres. Dis que de leur parti, toi-même, tu te rends de te remettre aux foudres à punir les tyrans. Va, serre la tyrannie. Abandonne ton âme à son lâche génie. Et pour rendre le calme à ton esprit flottant, oublie et ta naissance et le prix qui t'attend. Sans emprunter ta main pour servir ma colère, je saurai bien venger mon pays et mon père. J'aurais déjà l'honneur d'un si fameux trépas si l'amour jusqu'ici n'eût arrêté mon bras. C'est lui qui, sous tes lois me tenant asservi, m'a fait en ta faveur prendre soin de ma vie. Seul, contre un tyran, en le faisant périr par les mains de sa garde, il me fallait mourir. Je t'eusse par ma mort dérobé ta captive. Et comme pour toi seul l'amour veut que je vive, j'ai voulu, mais en vain, me conserver pour toi et te donner moyen d'être digne de moi. Pardonnez-moi, grand Dieu, si je me suis trompée quand j'ai pensé chérir un neveu de Pompée, et si d'un faux semblant mon esprit abusé a fait choix d'un esclave en son lieu supposé. Je t'aime toutefois, quel que tu puisses être. Et si pour me gagner il faut trahir ton maître, mille autres à l'envie recevraient cette loi s'ils pouvaient m'acquérir à même prix que toi. Mais n'appréhende pas qu'un autre ainsi m'obtienne. Vis pour ton cher tyran, tandis que je meurs tienne. Mes jours avec les siens se vont précipiter puisque ta lâcheté n'ose me mériter. Viens me voir dans son sang et dans le mien baigné. Ma seule vertu, mourir accompagnée. Et te dire en mourant d'un esprit satisfait, n'accuse point mon sort. C'est toi seul qui l'as fait. Je descends dans la tombe où tu m'as condamné, où la gloire me suit qui t'était destinée. Je meurs en détruisant un pouvoir absolu. Mais je vivrais à toi si tu l'avais voulu. Eh bien, vous le voulez. Il faut vous satisfaire. Il faut affranchir Rome. Il faut venger un père. Il faut sur un tyran emporter de justes coups. Mais apprenez qu'Auguste est moins tyran que vous. S'il nous ôte à son gré nos biens, nos jours, nos femmes, il n'a point jusqu'ici tyrannisé nos âmes. Mais l'empire inhumain qu'exerce vos beautés et forces jusqu'aux esprits et jusqu'aux volontés, vous me faites priser ce qui me déshonore, vous me faites haïr ce que mon âme adore, vous me faites répandre un sang pour qui je dois exposer tout le mien et mille et mille fois. Vous le voulez, j'y cours, ma parole est donnée. Mais ma main, aussitôt contre mon sein tournée, aux mânes d'un tel prince immolant votre amant, à mon crime forcé joindra mon châtiment. Et par cette action, dans l'autre confondu, recouvrera ma gloire, aussitôt que perdue. Adieu. Vous avez mis son âme au désespoir. Il cesse de m'aimer ou suive son devoir. Il va vous obéir aux dépens de sa vie. Vous en pleurez. Hélas, cours après lui, Fulvie. Et si ton amitié daigne me secourir, arrache-lui du cœur ce dessein de mourir. Dis-lui. Qu'en sa faveur, vous laissez vivre Auguste. Osez faire à ma haine une loi trop injuste. Et quoi donc ? Qu'il achève et dégage sa foi. Qu'il choisisse après de la mort ou de moi. Tout ce que tu me dis, Euphorbe, est incroyable. Seigneur, le récit même en paraît effroyable. On ne conçoit qu'à peine une telle fureur et la seule pensée en fait frémir d'horreur. Quoi, mes plus chers amis ? Quoi, Cinna, quoi, Maxime, les deux que j'honorais d'une si haute estime, à qui j'ouvrais mon cœur, et dont j'avais fait choix pour les plus importants et plus nobles emplois. Après qu'entre leurs mains j'ai remis mon empire, pour m'arracher le jour, l'un et l'autre conspirent. Maxime a vu sa faute, il m'en fait avertir, et montre un cœur touché d'un juste repentir. Mais Cinna... Cinna seul dans sa rage s'obstine, et contre vos bontés d'autant plus se mutine. Lui seul combat encore les vertueux efforts que sur les conjurés fait ce juste remords. Et malgré les frayeurs à leurs regrets mêlés, il tâche à raffermir leurs âmes ébranlées. Lui seul les encourage et lui seul les séduit. Oh, le plus déloyal que la terre ait produit. Oh, trahison conçue au sein d'une furie. Oh, trop sensible coup d'une main si chérie. Cinna, tu me trahis. Polyclète, écoutez. Vos ordres, seigneur, seront exécutés. Kéraste, en même temps, il veut dire à Maxime qu'il vienne recevoir le pardon de son crime. Il l'a jugé trop grand pour ne pas s'en punir. À peine du palais il a pu revenir, que les yeux égarés et le regard farouche, le cœur gros de soupirs, les sanglots à la bouche, il regrette sa vie et ce complot maudit, m'en apprend l'ordre entier tel que je vous l'ai dit, et m'ayant commandé que je vous avertisse, il ajoute, dis-lui que je me fais justice, que je n'ignore point ce que j'ai mérité. Puis soudain dans le Tibre il s'est précipité, et l'eau grosse et rapide et la nuit assez noire m'ont dérobé la fin de sa tragique histoire. Ce pressant remords, il a trop succombé, c'est à mes bontés lui-même dérobé. Il n'est crime envers moi qu'un repentir néfaste. Mais puisqu'il a voulu renoncer à ma grâce, allez pourvoir au reste. Et faites qu'on ait soin de tenir en lieu sûr ce fidèle témoin. Ciel, à qui voulez-vous désormais que je fie les secrets de mon âme et le soin de ma vie? Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis ici, donnant des sujets. Il ôte les amis. Si tel est le destin des grandeurs souveraines, que leur plus grand bienfait n'attire que des haines, et si votre rigueur les condamne à chérir ceux que vous animez à les faire périr, pour elles, rien n'est sûr. Qui peut tout, doit tout craindre. Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi ? Tu veux qu'on t'épargne ? Il n'a rien épargné. Songe au fleuve de sang où ton bras s'est baigné. De combien ont rougi les champs de Macédoine ? Combien en a versé la défaite d'Antoine ? Combien celle de Sexte, et revois tout d'un temps Pérouse aux siens noyés et tous ses habitants. Remets dans ton esprit, après tant de carnage, de tes proscriptions les sanglantes images, où toi-même, d'Étienne devenu le bourreau, au sein de ton tuteur enfonça le couteau, et puis ose accuser le destin d'injustice. Quand tu vois que les tiens s'arment pour ton supplice, et que par ton exemple, à ta perte guidée, ils violent des droits que tu n'as pas gardés. Leur trahison est juste, et le ciel l'autorise. Quitte ta dignité comme tu l'as acquise. Rends un sang infidèle à l'infidélité et souffre des ingrats. Après l'avoir été. Mais que mon jugement au besoin m'abandonne. Quelle fureur, Cinna, m'accuse et te pardonne. Toi, dont la trahison me force à retenir ce pouvoir souverain dont tu me veux punir, me traite en criminel et fais seul mon crime. Relève pour l'abattre un trône illégitime, et d'un zèle effronté couvrant ton attentat s'oppose pour me perdre au bonheur de l'État. Donc, jusqu'à l'oublier, je pourrais me contraindre. Tu vivrais en repos après m'avoir fait craindre. Non ! Non, je me trahis moi-même d'y penser. Qui pardonne aisément invite à l'offensé. Punissons l'assassin, proscrivons les complices. Toujours du sang, et toujours des supplices. Ma cruauté se lasse et ne peut s'arrêter. Je veux me faire craindre et ne fais qu'irrité. Rome pour ma ruine, hydre trop fertile, une tête coupée en fait renaître mille. Et le sang répandu de mille conjurés rend mes jours plus maudits et non plus assurés. Octave, n'attends plus le coup d'un nouveau brute. Meurs, et dérobe-lui la gloire de ta chute. Mère, tu ferais pour vivre un lâche et vain effort si tant de gens de cœur font des vœux pour ta mort. Et si tout ce quorum d'illustre jeunesse pour te faire périr, tour à tour s'intéresse. Meurs. Puisque c'est un mal que tu ne peux guérir. Meurs enfin, puisqu'il faut ou tout perdre ou mourir. La vie est peu de choses, et le peu qui t'en reste ne vaut pas l'acheter par un prix si funeste. Mais quitte du moins la vie avec éclat. Éteins-en le flambeau dans le sang de l'ingrat. À toi-même en mourant immole ce perfide. Contentant ses désirs, punis son parricide. Fais un tourment pour lui de ton propre trépas en faisant qu'il le voie et n'en jouisse pas. Mais jouissons plutôt nous-mêmes de sa peine. Et si Rome nous est, triomphons de sa haine. Ô Romain, ô vengeance, ô pouvoir absolu, ô rigoureux combat d'un cœur irrésolu qui fuit en même temps tout ce qu'il se propose. D'un prince malheureux ordonner quelque chose. Qui des deux dois-je suivre et duquel m'éloigner? Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner. Madame, on me trahit, et la main qui me tue rend sous mes déplaisirs ma constance abattue. Sinna, Sinna, le traître! Forbes m'a tout dit, Seigneur, et j'ai pâli 100 fois ce récit. Mais écouteriez-vous les conseils d'une femme? Hélas, de quel conseil est capable mon âme? Votre sévérité, sans produire aucun fruit, Seigneur, jusqu'à présent, a fait beaucoup de bruit. Par les peines d'un autre, aucun ne s'intimide. Salvidien, abat, a soulevé l'épide. Murène a succédé, Sépion l'a suivi. Le jour a tous les deux dans les tourments ravis, n'a point mêlé de crainte à la fureur d'Ignace, dont Sinna, maintenant, ose prendre la place. Et dans les plus bas rangs, les noms les plus abjets, ont voulu s'ennoblir par de si hauts projets. Après avoir en vain puni leur insolence, essayez sur Sinna ce que peut la clémence. Faites son châtiment de sa confusion. Cherchez le plus utile en cette occasion. Sa peine peut aigrir une ville animée. Son pardon peut servir à votre renommée. Et ceux que vos rigueurs ne font qu'effaroucher, peut-être à vos bontés, se laisseront toucher. Gagnons-les tout à fait en quittant cet empire qui nous rend odieux, contre qui l'on conspire. J'ai trop par vos avis consulté là-dessus, ne m'en parlez jamais, je ne consulte plus. Cesse de soupirer, Rome, pour ta franchise. Si je t'ai mis au fer, moi-même je les brise, et te rends ton état, après l'avoir conquis plus paisible et plus grand que je ne te l'ai pris. Si tu me veux haïr, aime-moi sans plus rien feindre. Si tu me veux aimer, aime-moi sans me craindre. De tout ce qu'eût-il là de puissance et d'honneur, lassé comme il en fut, j'aspire à mon bonheur. Assez trop longtemps son exemple vous flatte, mais gardez que sur vous le contraire n'éclate. Ce bonheur sans pareil qui conserve à ses jours ne serait pas bonheur s'il arrivait toujours. Eh bien, s'il est trop grand, si j'ai tort d'y prétendre, j'abandonne mon sang à qui voudra l'épandre. Après un long orage, il faut trouver renfort, et je n'en vois que deux, le repos ou la mort. Quoi? Vous voulez quitter le fruit de tant de peine? Quoi? Vous voulez garder l'objet de tant de haine? Seigneur, vous emportez à cette extrémité. C'est plutôt désespoir que générosité. Régner et caresser une main si traîtresse au lieu de sa vertu, c'est montrer sa faiblesse. C'est régner sur vous-même. Et par un noble choix, pratiquer la vertu la plus digne des rois. Vous m'aviez bien promis des conseils d'une femme, vous me tenez parole, et sans son là, madame. Après tant d'ennemis à mes pieds abattus, depuis 20 ans je règne, et j'en sais les vertus. Je sais leurs divers ordres. Et de quelle nature sont les devoirs d'un prince en cette conjoncture? Tout son peuple est blessé par un tel attentat, et la seule pensée est un crime d'État, une offense qu'on fait à toute sa province, dont il faut qu'il la venge. ou cesse d'être prince. Donnez moins de croyance à votre passion. Ayez moins de faiblesse, ou moins d'ambition. Ne traitez plus si mal un conseil salutaire. Le ciel m'inspirera ce qu'ici je dois faire. Adieu, nous perdons temps. Je ne vous quitte point, Seigneur, que mon amour n'ait obtenu ce point. C'est l'amour des grandeurs qui vous rend importune. J'aime votre personne et non votre fortune. Il m'échappe. Suivons et forçons le devoir qu'il peut, en faisant grâce, affermir son pouvoir. Et qu'enfin la clémence est la plus belle marque qui fasse à l'univers connaître un vrai monarque. D'où me vient cette joie? Et que mal à propos mon esprit, malgré soi, goûte un entier repos. César mande Sina sans me donner d'alarme. Mon cœur est sans soupir. Mes yeux n'ont point de larmes. Comme si j'apprenais d'un secret mouvement que tout doit succéder à mon contentement. Ai-je bien entendu, me l'as-tu dit, Fulvie? J'avais gagné sur lui qu'il aimerait la vie. Et je vous l'amenais plus traitable et plus doux faire un second effort contre votre courroux. Je m'en applaudissais quand soudain Polyclète, des volontés d'Auguste ordinaire interprète, est venu l'aborder, et sans suite et sans bruit, et de sa part, sur l'heure au palais l'a conduit. Auguste est fort troublé. On ignore la cause. Chacun diversement soupçonne quelque chose. Tous présument qu'il ait un grand sujet d'ennui et qu'il mande Sina pour prendre avis de lui. Mais ce qui m'embarrasse, c'est que je viens d'apprendre. C'est que deux inconnus se sont saisis des vendres. Que Forbes est arrêté sans qu'on sache pourquoi. Que même de son maître, on dit je ne sais quoi. On lui veut imputer un désespoir funeste. On parle d'eau, de Tibre. Et l'on se tait du reste. Que de sujets de craindre et de désespérer. Sans que mon triste cœur en daigne murmurer. À chaque occasion, le ciel y fait descendre un sentiment contraire à celui qu'il doit prendre. Une vaine frayeur tantôt m'a pu troubler. Et je suis insensible. Alors qu'il faut trembler. Je vous entends, grand Dieu. Vos bontés que j'adore ne peuvent consentir que je me déshonore. Et ne me permettant soupir, sanglots ni pleurs, soutiennent ma vertu contre de tels malheurs. Vous voulez que je meure avec ce grand courage qui m'a fait entreprendre un si fameux ouvrage. Et je veux bien périr comme vous l'ordonnez. Et dans la même assise où vous me retenez. Ô liberté de Rome. Ô manne de mon père. J'ai fait de mon côté tout ce que j'ai pu faire. Contre votre tyran, j'ai ligué ses amis et plus osé pour vous qu'il ne m'était permis. Si l'effet a manqué, ma gloire n'est pas moindre. N'ayant pu vous venger, je vous irai rejoindre. Mais si fumant encore d'un généreux courroux, par un trépas si noble et si digne de vous, qu'il vous fera aisément reconnaître le sang des grands héros dont vous m'avez fait naître. Et je vous vois, Maxime. Et l'on vous faisait mort. Euphorbe trompe Auguste avec ce faux rapport. Se voyant arrêté, la trame découverte, il a feint ce trépas pour empêcher ma perte. Que dit-on de Sina? Que son plus grand regret, c'est de voir que César sait tout votre secret. En vain, il le dénie et le veut méconnaître. Et vendra tout compter pour excuser son maître. Et par l'ordre d'Auguste, on vient vous arrêter. Celui qui l'a reçu tarde à l'exécuter. Je suis prête à le suivre et lasse de l'attendre. Il vous attend chez moi. C'est vous surprendre, mais apprenez le soin que le ciel a de vous. C'est un des conjurés qui va fuir avec nous. Prenons notre avantage avant qu'on nous poursuive. Nous avons pour partir un vaisseau sur la rive. Le connais-tu, Maxime? Sais-tu qui je suis? En faveur de Sina, je fais ce que je puis. Et tâche à garantir dans ce malheur extrême la plus belle moitié qui reste de lui-même. Sauvons-nous, Émilie, et conservons le jour afin de le venger par un heureux retour. Sina, dans son malheur, est de ceux qu'il faut suivre. Qu'il ne faut pas venger de peur de leur survivre. Quiconque, après sa perte, aspire à se sauver est indigne du jour qu'il tâche à conserver. Quel désespoir aveugle à ces fureurs vous porte ? Oh Dieu, que de faiblesse en une âme si forte ! Ce cœur si généreux rend si peu de combat et du premier revers la fortune là-bas. Rappelez cette vertu sublime. Ouvrez enfin les yeux et connaissez Maxime. C'est un autre Sina qu'en lui vous regardez. Le ciel vous rend en lui l'amant que vous perdez. Et puisque l'amitié n'en faisait plus qu'une âme, aimez dans cet ami l'objet de votre flamme. Avec la même ardeur, il saura vous chérir. Tu m'oses aimer et tu n'oses mourir. Tu prétends un peu trop. Mais quoi que tu prétendes, rends-toi digne du moins de ce que tu demandes. Cesse de fuir en lâche un glorieux trépas. Ou de m'offrir un cœur que tu fais voir si bas. Fais que je porte envie à ta vertu parfaite. Ne te pouvant aimer, fais que je te regrette. Montre d'un vrai Romain la dernière vigueur et mérite mes pleurs au défaut de mon cœur. Quoi si ton amitié pour Sina s'intéresse, crois-tu qu'elle consiste à flatter sa maîtresse ? Apprends de moi quel en est le devoir. Et donne-moi l'exemple, ou viens le recevoir. Votre juste douleur est trop impétueuse. La tienne en ta faveur est trop ingénieuse. Tu me parles déjà d'un bienheureux retour, et dans tes déplaisirs, tu conçois de l'amour. Cet amour en naissant est toutefois extrême. C'est votre amant, vous, c'est mon ami que j'aime, et des mêmes ardeurs dont il fut embrasé. Maxime, en voilà trop pour un homme avisé. Ma perte m'a surprise et ne m'a point troublée. Mon noble désespoir ne m'a point aveuglée. Ma vertu tout entière agit sans s'émouvoir. Et je vois malgré moi plus que je ne veux voir. Quoi ? Vous suis-je suspect de quelque perfidie ? Oui, tu l'es ! Puisqu'enfin tu veux que je le dis. L'ordre de notre fuite est trop bien concerté pour ne te soupçonner d'aucune lâcheté. Et Dieu serait pour nous prodigues en miracles s'ils en avaient sans toi levé tous les obstacles. Fuis sans moi ! Tes amours sont ici superflus. Vous m'en dites trop. J'en présume encore plus. Ne crains pas toutefois que j'éclate en injures. Mais n'espère non plus m'éblouir de parjures. Si c'est te faire tort que de t'en défier, viens mourir avec moi pour te justifier. Vivez, belle Émilie, et souffrez qu'un esclave. Je ne t'écoute plus qu'en présence d'Octave. Allons, Fulvie. Allons. Désespéré, confus, et digne, s'il se peut, d'un plus cruel refus. Que résous-tu, Maxime ? Et quel est le supplice que ta vertu prépare à ton vel artifice ? Aucune illusion ne te doit plus flatter. Émilie, en mourant, va tout faire éclater. Sur un même échafaud, la perte de sa vie étalera sa gloire et ton ignominie. Et sa mort va laisser à la postérité l'infâme souvenir de ta déloyauté. Un même jour, t'as vu par une fausse adresse trahir ton souverain, ton ami, ta maîtresse, sans que de tant de droits en un jour violés. Sans que de deux amants tyrans immolés, il te reste aucun fruit. Que la honte et la rage, qu'un remords inutile allume en ton courage. Forbes, c'est l'effet de tes lâches conseils. Mais que peut-on attendre enfin de tes pareils ? Jamais un affranchi n'est qu'un esclave infâme. Bien qu'il change d'état, il ne change point d'âme.

les Cosses, les Métel, les Paul, les Fabiens, et tant d'autres enfin de qui les grands courages des héros de leur sang sont les vives images, quitte le noble orgueil d'un sang si généreux jusqu'à pouvoir souffrir que tu règnes sur eux. Parle. Parle. Il est temps. Non, que votre colère ou la mort m'intimide. Je vois qu'on m'a trahi. Vous m'y voyez rêver, j'en cherche l'auteur sans le pouvoir trouver. Mais c'est trop y tenir toute l'âme occupée. Seigneur, je suis Romain et du sang de Pompée. Le père et les deux fils, lâchement égorgés par la mort de César, étaient trop peu vengés. C'est là d'un beau dessein l'illustre et seule cause. Et puisqu'à vos rigueurs la trahison m'expose, n'attendez point de moi d'infâme repentir, d'inutiles regrets, ni de honteux soupirs. Le sort vous est propice autant qu'il m'est contraire, je sais ce que j'ai fait et ce qu'il vous faut faire. Vous devez un exemple à la postérité, et montrez pas importe à votre sûreté. Tu me braves, Sinna. Tu fais le magnanime, et loin de t'excuser, tu couronnes ton crime. Voyons si ta constance ira jusqu'au bout. Tu sais ce qui t'est dû, tu vois que je sais tout. Fais ton arrêt toi-même et choisis tes supplices. Vous ne connaissez pas encore tous les complices. Votre Émilie en est, Seigneur, et la voici. C'est elle-même, oh Dieu. Et toi, ma fille, aussi. Oui. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour me plaire. Et j'en étais, Seigneur, la cause et le salaire. L'amour, quand ton cœur j'ai fait naître aujourd'hui, t'emporte-t-il déjà jusqu'à mourir pour lui? Ton âme à ses transports un peu trop s'abandonne. Et c'est trop tôt aimer l'amant que je te donne. Cet amour qui m'expose à vos ressentiments n'est pas le prompt effet de vos commandements. Ces flammes dans nos cœurs sans votre ordre étaient nées. Et ce sont des secrets de plus de 4 années. Mais quoique je l'aimasse et qu'il brûla pour moi une haine plus forte à tous deux fit la loi, je ne voulus jamais lui donner d'espérance qu'il ne m'eût de mon père assuré la vengeance. Je la lui fis jurer. Il chercha des amis. Le ciel rompt le succès que je m'étais promis. Et je vous viens, Seigneur, offrir une victime. Non, pour sauver sa vie, en me chargeant du crime, son trépas est trop juste après son attentat et toute excuse est vaine en un crime d'État. Mourir en sa présence et rejoindre mon père, c'est tout ce qui m'amène et tout ce que j'espère. Jusqu'à quand, ô ciel, et par quelle raison prendrez-vous contre moi des traits dans ma maison? Pour ces débordements, j'en ai chassé Julie. Mon amour en sa place a fait choix d'Émilie et je la vois comme elle indigne de ce rang. L'une montait l'honneur, l'autre a soif de mon sang. Et prenant toutes deux leurs passions pour guide, l'une fut impudique et l'autre est parricide. Oh, ma fille, est-ce là le prix de mes bienfaits? Ceux de mon père en vous firent mêmes effets. Songe avec quel amour j'élevais ta jeunesse. Il éleva la vôtre avec même tendresse. Il fut votre tuteur et vous son assassin. Et vous m'avez au crime enseigné le chemin. Le mien avec le vôtre en ce seul point diffère que votre ambition s'est immolée, mon père. Et qu'un juste courroux dont je me sens brûlé à mon sang innocent voulez-vous immoler? C'en est trop, Émilie. Arrête. Et considère qu'il t'a trop bien payé les bienfaits de ton père. Sa mort, dont la mémoire allume ta fureur, fut un crime d'Octave et non de l'empereur. Tous ces crimes d'État qu'on fait pour la couronne, le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne. Et dans le sacré rang où sa faveur l'a mis, le passé devient juste et l'avenir permis. Qui peut y parvenir ne peut être coupable. Quoi qu'il ait fait ou fasse, il est inviolable. Nous lui devons nos biens, nos jours sont en sa main. Et jamais on a droit sur ceux du souverain. Aussi, dans le discours que vous venez d'entendre, je parlais pour l'aigrir et non pour me défendre. Punissez donc, Seigneur, ces criminels appâts qui, de vos favoris, font d'illustres ingrats. Tranchez mes tristes jours pour assurer les vôtres. Si j'ai séduit Cinna, j'en séduirai bien d'autres. Et je suis plus à craindre et vous plus en danger si j'ai l'amour ensemble et le sang à venger. Que vous m'ayez séduit et que je souffre encore d'être déshonoré par celle que j'adore. Seigneur, la vérité doit ici s'exprimer. J'avais fait ce dessein avant que de l'aimer. À mes plus saints désirs, la trouvant inflexible, je crus qu'à d'autres soins elle serait sensible. Je parlais de son père et de votre rigueur, et l'offre de mon bras suivit celle du cœur. Que la vengeance est douce à l'esprit d'une femme. Je l'attaquai par là, je pris son âme. Dans mon peu de mérite, elle me négligeait et ne put négliger le bras qui la vengeait. Elle n'a conspiré que par mon artifice. J'en suis le seul auteur. Elle n'est que complice. Cinna, qu'oses-tu dire ? Est-ce là me chérir que de m'ôter l'honneur quand il me faut mourir ? Mourez. Mais en mourant, ne souillez point ma gloire. La mienne se flétrit, si César te veut croire. Et la mienne se perd, si vous tirez à vous toutes celles qui suit de si généreux coups. Eh bien, prends-en ta part et me laisse la mienne. Ce serait l'affaiblir que d'affaiblir la tienne. La gloire et le plaisir, la honte et les tourments, tout doit être commun entre de vrais amants. Nos deux âmes, Seigneur, sont deux âmes romaines. Unissant nos désirs, nous unîmes nos haines. De nos parents perdus, le vif ressentiment nous a pris nos devoirs en un même moment. En ce noble dessein, nos cœurs se rencontrèrent. Nos esprits généreux ensemble le formèrent. Ensemble, nous cherchons l'honneur d'un beau trépas. Vous vouliez nous unir. Ne nous séparez pas. Oui, je vous unirai, couple ingrat et perfide. Et plus mon ennemi qu'Antoine ni Lépide. Oui, je vous unirai puisque vous le voulez. Il faut bien satisfaire au feu dont vous brûlez et que tout l'univers sache en ce qui m'anime s'étonne du supplice aussi bien que du crime. Mais enfin le ciel même et ses bienfaits nous vont arracher Maxime à la fureur des eaux. Approche, seul ami que j'éprouve fidèle. Honorez-moi, Seigneur, une âme criminelle. Ne parlons plus de crime après ton repentir. Après que du trépas tu m'as su garantir, c'est à toi que je dois et le jour et l'empire. De tous vos ennemis, connaissez mieux le pire. Si vous régnez encore, Seigneur, si vous vivez, c'est ma jalouse rage à qui vous le devez. Un vertueux remords n'a point touché mon âme. Pour perdre mon rival, j'ai découvert sa trame. Euphorbe vous afin que je m'étais noyé de crainte qu'après moi vous n'eussiez envoyé. Je voulais avoir lieu d'abuser Émilie, effrayer son esprit, la tirer d'Italie, et pensais la résoudre à cet enlèvement dans l'espoir du retour pour venger son amant. Mais au lieu de goûter ses grossières amorces, sa vertu combattue a redoublé ses forces. Elle a lu dans mon cœur. Vous savez le surplus, et je vous en ferai des récits superflus. Vous voyez le succès de mon lâche artifice. Si pourtant quelque grâce est due à mon indice, faites périr Euphorbe au milieu des tourments et souffrez que je meure aux yeux de ses amants. J'ai trahi mon ami, ma maîtresse, mon maître, ma gloire, mon pays par la vie de ce traître. Et croirai toutefois mon bonheur infini si je puis m'en punir après l'avoir puni. En est-ce assez, ô ciel, Et le sort pour me nuire a-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encore séduire? Qu'il joigne à ses efforts le secours des enfers. Je suis maître de moi, comme de l'univers. Je le suis. Je veux l'être. Ô siècle, ô mémoire, conservez à jamais ma dernière victoire. Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux de qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous. Soyons amis, Sinna. C'est moi qui t'en convie. Comme à mon ennemi, je t'ai donné la vie. Et malgré la fureur de ton lâche dessein, je te la donne encore, comme à mon assassin. Commençons un combat qui montre par l'issue qu'il aura mieux de nous, ou donné, ou reçu. Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler. Je t'en avais comblé, je t'en veux accabler. Avec cette beauté que je t'avais donnée, reçois le consulat pour la prochaine année. Aime Sinna, ma fille, en cet illustre rang. Préfères-en la pourpre à celle de mon sang. Apprends, sur mon exemple, à vaincre ta colère. Te rendant un époux, je te rends plus qu'un père. Et je me rends, Seigneur, à ses hautes bontés. Je recouvre la vue auprès de leur clarté. Je connais mon forfait qui me semblait justice. Et ce que n'avait pu la terreur du supplice, je sens naître en mon âme un repentir puissant et mon cœur en secret me dit qu'il y consent. Le ciel a résolu votre grandeur suprême. Et pour preuve, Seigneur, je n'en veux que moi-même. J'ose avec vanité me donner cet éclat puisqu'il change mon cœur, qu'il veut changer l'état. Ma haine va mourir, que j'ai cru immortelle. Elle est morte. Et ce cœur devient sujet fidèle. Et prenons désormais cette haine en horreur. L'ardeur de vous servir succède à sa fureur. Seigneur, que vous dirai-je? Après que nos offenses, au lieu de châtiment, trouvent des récompenses. Oh, vertu sans exemple. Oh, clémence, qui rend votre pouvoir plus juste et mon crime plus grand. Cesse d'en retarder un oubli magnanime. Et tous deux, avec moi, faites grâce à Maxime. Il nous a trahis, tous. Mais ce qu'il a commis vous conserve innocent et me rend mes amis. Reprends auprès de moi ta place accoutumée. Rentre dans ton crédit et dans ta renommée. Que Forbes de tous trois ait sa grâce à son tour et que demain l'hymen couronne leur amour. Si tu l'aimes encore, ce sera ton supplice. Je n'en murmure point. Il a trop de justice. Et je suis plus confus, Seigneur, de vos bontés que je ne suis jaloux du bien que vous m'ôtez. Souffrez que ma vertu, dans mon cœur rappelée, vous consacre une foi lâchement violée, mais si ferme à présent, si loin de chanceler que la chute du ciel ne pourrait l'ébranler. Puisse le grand moteur des belles destinées, pour prolonger vos jours, retrancher nos années. Et moi, par un bonheur dont chacun soit jaloux, perdre 100 fois pour vous ce que je tiens de vous. Ce n'est pas tout, Seigneur. Une céleste flamme d'un rayon prophétique illumine mon âme. Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi, dans votre heureux destin, c'est l'immuable loi. Après cette action, vous n'avez rien à craindre. On portera le joug désormais sans se plaindre. Et les plus indomptés, renversant leurs projets, mettront toute leur gloire à mourir vos sujets. Aucun lâche dessein, aucune ingrate envie n'attaquera le cours d'une si belle vie. Jamais plus d'assassins ni de conspirateurs. Vous avez trouvé l'art d'être maître des cœurs. Rome, avec une joie essensible et profonde, se démet en vos mains de l'empire du monde. Vos royales vertus lui vont trop enseigner que son bonheur consiste à vous faire régner. D'une si longue erreur pleinement affranchie, elle n'a plus de vœux que pour la monarchie. Vous prépare déjà des temples, des autels. Et le ciel, une place entre les immortels. Et la postérité, dans toutes les provinces, donnera votre exemple au plus généreux prince. J'en accepte l'augure. Et j'ose l'espérer. Ainsi toujours les dieux vous daignent inspirer. Qu'on redouble demain les heureux sacrifices que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices, et que vos conjurés entendent publier qu'Auguste a tout appris et veut tout oublier.